préciser, je pense que c'est important dans ce cadre institutionnel, justement son support institutionnel. C'est-à-dire que, en fait, finalement, j'ai répondu à l'invitation d'Aurélie pour être claire. C'était, dans un premier temps, en fait, j'ai répondu à l'invitation du CRBC Brest, qui faisait une journée La Bretagne dans le monde et le monde en Bretagne. Les collègues de Brest m'ont interpellé, je venais d'arriver à ce moment-là à l'université de Brest comme sociologue, et ils m'ont interpellé parce que j'avais traité la question des migrations, mais des migrations hors frontières hexagonales, dans le cadre d'une thèse sur les transformations des modes de vie dans les quartiers populaires, où j'étudiais le passage en fait de la cité patronale à la cité d'habitat social, qui faisait d'habitat social vite stigmatisé. Ce qui fait que, de fait, j'ai pris en compte la question de la place de l'immigration, des enfants d'immigration, etc., etc. Et en faisant ce travail, il m'est apparu très très vite qu'on pouvait faire un certain nombre de liens, d'analogies, de comparaisons avec l'immigration intérieure. Et comme mon nom l'indique, vous pouvez bien tous vous douter que cette histoire, j'en connais une partie de l'intérieur. Et donc en fait, ce qui m'a été fort utile, je dois dire, pour faire ces recherches avec les jeunes dits donc en forme d'immigration extérieure, notamment en fait des jeunes qui venaient principalement en fait d'Algérie ou d'Afrique subsaharienne. Donc ça m'a été utile dans le sens où je pense que ça m'a permis de tenir une position laquelle je pense qu'on court tous un peu après quand on travaille sur les milieux populaires pour éviter de tomber entre misérabilisme et populisme. Je crois que je me suis beaucoup appuyée sur ma propre expérience et l'expérience inévitablement de ma famille, c'est-à-dire de pouvoir dire, par exemple, oui, ces jeunes s'intéressaient beaucoup au foot, par exemple, pour pouvoir en dire, bah, Patrick Brauzek, qui a inauguré le Stade de France, etc., etc., enfin bref, faisait aussi partie de ces gens qui ont connu, dont les familles ont connu les vicissitudes de l'immigration, la difficulté de s'intégrer, etc., etc. Voilà, toutes ces expériences ont été utiles pour tenir une relation que je pensais à peu près efficace, à la fois pour la conduite de la recherche et aussi pour eux, c'est-à-dire dans leur capacité à me supporter moi comme étrangère, en fait, justement, à leur groupe d'appartenance, qui était essentiellement des jeunes qui s'investissaient dans des associations pour changer l'image, en fait, qu'avait leur groupe. Et cette question, moi, m'a toujours tracassée, on va dire, puisque, justement, ma propre histoire d'enfant de l'immigration m'a amenée à m'interroger sur la construction des catégories. C'est-à-dire, qui prend la responsabilité de déconstruire, comment, finalement, on parle de qui, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis arrivée à Brest, inévitablement, donc on dit en sciences sociales, mon ethno-patronyme, je me suis retrouvée assignée de fait dans mon milieu professionnel, qui est le milieu universitaire, à une identité présupposée. Soit j'étais d'ici, inévitablement, comme on dit recrutement local, mais bizarre puisqu'inconnu, ce qui est étrange comme recrutement local. Soit j'étais d'ailleurs, si j'étais d'ailleurs, comme j'étais dans le milieu universitaire, j'étais obligatoirement parisienne. Or, il se trouve qu'effectivement, je suis née en banlieue parisienne, mais en fait, j'ai fait toutes mes recherches, j'ai été socialisée en bonne partie en Normandie, après être revenue faire ma thèse d'un Paris 8, donc au cœur de Saint-Denis, deuxième ville bretonne, selon certains textes sur les migrations. Enfin, vous voyez le parcours. Et donc, quand mes collègues m'ont fait cette proposition, je me suis dit, mais... j'ai pas de terrain, en fait, à Brest, je venais d'arriver, je connaissais personne, malgré le nom que je porte, d'ailleurs je connaissais à peine la ville, puisque ma famille vient plutôt de Morlaix. Et donc, en fait, j'ai fait cette proposition aux collègues en disant, mais il y a cette enquête qui vient de sortir, Paris-Breton, etc. Qui sont les Bretons de Paris, etc., etc. J'ai dit, mais il doit y avoir plein de choses au CRBC. Voilà, c'est un groupe qui m'intéresse. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc, en fait, curieusement, j'ai trouvé que pour une question qui était extrêmement débattue dans le champ du politique, l'immigration bretonne, qui était portée, travaillée, etc., etc., j'ai trouvé qu'en fait, il y avait un certain nombre de choses, mais assez éparpillées, assez éparses en sciences sociales. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce premier travail sur essayer de comprendre comment s'était construite cette catégorie, qui est quand même assez spécifique. Avec une interrogation sur, qui est une des interrogations, je pense, de la sociologie, qui est, est-ce que ce sont les lieux qui nous façonnent, ou est-ce qu'on participe à façonner les lieux, etc., etc. Moi, ce que j'avais surtout trouvé intéressant dans cette interrogation, c'était une interrogation que je me posais sur les quartiers populaires, c'est-à-dire, en fait, un peu la déconstruction de la notion de « jeune de cité », quelle marge de manœuvre il reste aux individus dans les cités, ou la proposition que venait de faire Eric Marlière, « jeune en cité ». Et moi, je me disais, est-ce que ce ne serait pas la même chose pour les migrants bretons ? Est-ce que ce n'était pas des bretons ? À quel moment et qui étaient des bretons en région parisienne, plutôt qu'à Paris même ? Ou est-ce qu'effectivement, ils étaient devenus des bretons de Paris ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une autre identité qui se façonne dès qu'on n'est plus sur le territoire géographique initial ? Donc voilà, et quand vous m'avez lancé cette invitation, donc ce travail venait d'être publié, je dois dire un peu à l'initiative de jeunes doctorants au CRBC, qui s'étaient intéressés à ce premier travail, qui leur avait été utile apparemment, qui m'avait incité à publier. Donc j'ai fait la proposition à Martine Seygalin, qui s'est intéressée à l'affaire. Et en fait, quand vous m'avez proposé de venir vous voir, il se trouve que j'ai relu, parce que pour moi c'est quelqu'un d'important, j'avais un peu relu Annie Liu, je pense que vous êtes en nombre à connaître ici, et notamment son travail sur les élus locaux. Et ça m'avait un peu intrigué ce que j'avais trouvé dans ce texte, puisque à peu près dans la même période, moi, voilà, en faisant une intervention publique comme ça dans le Finistère, dans une zone rurale, j'étais tombée au cours d'un échange complètement informel après une petite conférence sur quelqu'un qui m'avait un peu raconté ses malheurs de retour au pays, voulant en fait, visiblement, aspirant à devenir élu local. Et ça coïncidait pas complètement avec ce que disait Annie Liu, qui présentait un peu les choses dans ce travail-là, je ne sais pas si vous en souvenez un peu, comme un champ des possibles parfaitement ouvert pour ceux qui revenaient. C'est-à-dire qu'en fait, elle considérait que les équipes en place étaient en capacité d'absorber assez facilement, finalement, des gens qui arrivaient nantis de cette expérience. C'était un plus, en fait, pour investir. Bon, elle parlait surtout des jeunes retraités, en disant qu'ils avaient du temps, de la disponibilité à offrir avec les équipes. Et moi, là, je suis tombée sur quelqu'un qui venait de me dire, ce qui me paraissait assez cohérent quand on connaît un peu le champ du politique, que lui, visiblement, tout se passait très bien pour lui jusqu'à ce qu'il demande une place sur une liste électorale et qui rentre dans le champ de la concurrence, qu'on connaît aussi du champ du politique, où finalement, quand les places sont rares, ce qui peut être en fait une compétence et une ressource peut devenir un motif de disqualification. Donc j'ai commencé à envisager la question sous cet angle-là en me disant, le groupe a été tellement nombreux que maintenant, s'il y a énormément de retours, ils se diffusent en fait dans la société locale, géographique, et quelle place leur est réservée, comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qu'on fait de ces questions justement d'identité, est-ce que quand on revient, on retrouve en fait justement ce label, ce qualificatif, cette identité de breton, ou est-ce qu'on reste breton de Paris ou parisien. Et puis, la question qui s'est posée, c'est, c'est bien intéressant peut-être comme question, mais alors avec qui en parler ? Ce qui s'est passé d'assez curieux, c'est que dès que j'ai commencé à parler autour de moi, tout le monde a dit oui, c'est intéressant, d'ailleurs j'en connais plein, mais ils ne veulent pas parler. Ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas envie de parler de cette expérience-là. Et là, j'ai retrouvé en fait mes anciennes questions en disant, mais en fait, justement, qui peut en fait construire une catégorie, c'est-à-dire qui en fait bénéficie des supports qui permettent justement de construire une catégorie et de diffuser en fait cette image de la catégorie, et qui du coup, si ce sont les mêmes qui sont concernés, mais qui n'ont pas forcément intérêt immédiatement, ou qui craignent en fait les interprétations qui seront faites de leurs propos sur à quel point en fait cet itinéraire dans la migration est une ressource ou devient en fait un problème, je me suis dit de toute façon, les dés sont un peu pipés, puisque en fait là on contrôle pas bien, en fait on peut pas très bien savoir les enjeux, sauf à faire vraiment de la sociologie politique, c'est-à-dire avoir des vraies connaissances sur le milieu d'appartenance si on prend cette entrée là donc je me suis dit que j'allais pas m'en sortir, que je voyais pas comment en fait je trouverais quelque chose d'un peu consistant. Et donc en fait j'ai commencé à me dire, mais en fait, grâce à un échange avec un collègue, lui-même enfant d'immigration évidemment, un collègue sociologue installé dans une autre région, on a commencé à évoquer la question, et en fait, lui a fait part de sa propre expérience personnelle. On a commencé à se dire, mais finalement, le groupe qui a le plus à la fois d'ancienneté sur la question du retour, et qui finalement, pour lequel il y a le moins d'enjeux, c'est-à-dire on n'est pas dans les luttes de concurrence professionnelle ou dans le champ du politique, etc., etc., c'est forcément le groupe des retraités. Et donc, il peut y avoir évidemment d'autres enjeux et d'autres places à prendre, etc., etc., mais les tensions sont moins vives. Donc en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la question en me disant, je vais prendre en fait cette entrée-là, c'est-à-dire m'intéresser aux retraités et... Par ailleurs, m'intéresser aux retraités qui sont installés en zone rurale, puisque ça me paraissait bien évident, en ayant un peu fait de sociologie urbaine quand même, que bon, la question de l'anonymat ne se posait pas du tout de la même manière en zone rurale et en ville. Donc, en ville, on n'est pas censé savoir où les autres ont vécu, etc., etc. Donc, j'ai pris ces deux entrées-là. Et en fait, je suis un peu allée... à la fois de surprise en surprise et en même temps retrouvant des tas de confirmations dans les travaux qui avaient été faits évidemment par d'autres chercheurs en sciences sociales, et notamment les travaux de Françoise Grébier. Et donc en fait, ma surprise d'une part, puisque finalement tout en ayant vécu une partie de cette histoire de l'intérieur, mais d'un groupe très peu raconté dans d'autres travaux, c'est-à-dire, je dirais, le groupe des gens qu'on ne peut pas cataloguer selon les schémas assez classiques. On part porté par une appartenance politique ou syndicale, ou on part porté par le courant catholique, où on retrouve l'Église en arrière-plan, ou le parti, ou le syndicat. Et bon, on savait tous, tout le monde savait que ce qui était central, c'était la question de la place de la famille, mais généralement intégrée à d'autres réseaux. Et donc là, en fait, avec toute cette histoire, parce que j'avais quand même lu ce que j'avais en tous les cas trouvé à mon échelle sur cette question, je savais évidemment que c'était une immigration ancienne, mais je ne pensais pas trouver en situation réelle d'entretien des gens en chair et en os, je dis ça sans rire, hein, qui étaient capables, en fait, de raconter cette histoire-là depuis 1894. Pour moi, ça a changé beaucoup de choses, puisque, en fait, je me suis retrouvée, dès le début, en fait, de cette proposition de recherche, avec donc des gens, un couple, un homme et une femme, vivant ensemble, complètement autonomes, hein, donc c'est très intéressant en même temps sur la question des personnes âgées, qui sont en situation d'entretien, donc je ne connaissais pas, l'intermédiaire c'était un collègue, qui me garantissait dès le départ, vous savez, on n'a pas Alzheimer, tout va bien, ce qu'on va vous dire, vous pouvez vous appuyer dessus, quoi, parce qu'on sent cette crainte très forte. Et donc là, l'homme 88 ans, son épouse 84 ans, avec une histoire que j'ai trouvée, pour moi, très très instructive, puisque en fait, elle posait la question de Prado, le va-et-vient. Mais d'une autre manière, puisque Prado, en fait, dans son article d'Ethnologie française, parlait centralement, en fait, des générations parties après-guerre. Et là, en fait, je me suis retrouvée donc avec ce couple, et un peu plus tard, donc avec la voisine d'une autre collègue brestoise, hein, sur les mêmes générations, c'est-à-dire en fait les gens nés dans l'entre-deux-guerres et nés en région parisienne. Et donc en fait, je me suis aperçue, alors au total, je viens vous voir aujourd'hui, j'en suis là depuis ce week-end, je vais vous dire que tout ça c'est quand même encore en l'état de friche. Avec, donc pour venir vous voir, j'ai essayé de recenser, de compter. J'en suis à 10 rencontres. Alors, je ne vais pas vous dire 10 entretiens, puisque ça ne correspondrait pas à la réalité. Et je pense que la façon dont se déroulent ces entretiens nous apprend énormément de choses sur ces vagues migratoires. Puisqu'en fait, j'ai fait 10 entretiens, dont 2 avec des femmes seules. Une veuve et une divorcée, qui a maintenant 84 ans. Divorcée dans les années 70. Les autres étaient en couple. Alors, le problème, c'est que des couples alliés avec une sœur, belle-sœur, veuve, qu'ils invitent à participer à la discussion. Donc, je m'en trouve avec 3 interlocuteurs. Une veuve que je vais voir, qui m'explique comment elle organise son réseau de sociabilité, et à ce moment-là arrive, elle s'y attendait absolument pas, une voisine, nouvelle arrivée en Bretagne, jeune retraitée, imprévu, donc entretien impromptu, d'accord. Mais d'un autre côté, un couple avec une femme parfaitement silencieuse. Alors l'homme seul parle, l'épouse est là, assise sur le canapé, il parle d'elle, il dit elle, je ne me demandez pas, je ne sais toujours pas comment elle s'appelle. Donc vous voyez bien, en fait, c'est pas les. Bon. Et moi, dans l'impossibilité de contrôler quoi que ce soit. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir des exigences, dire je veux vous voir tout seul, toute seule. Bon, voilà, je vais faire avec les gens tels qu'ils sont. En tous les cas, au terme de ces 10 rencontres présentées comme ça, les gens sont en capacité de raconter des trajectoires migratoires, c'est-à-dire en fait avec des dates de départ, de retour, des positions sociales au départ, des professions, des lieux d'habitat en migration. Ces 10 rencontres représentent au total 70 personnes. Ce qui montre quand même l'importance des flux, je pense, hein, de mon point de vue. Et donc, en fait, si je reprends les plus anciens, donc ceux nés dans l'entre-deux-guerres, ce qu'ils m'ont surtout appris, c'est que, inutile de vous dire qu'on n'est pas du tout à l'époque d'Internet, évidemment. Et en fait, c'est les incessants. Non, je dis ça sans rire, parce qu'en fait, je trouvais que dans les travaux, c'est souvent comme ça, d'ailleurs, sur les vagues migratoires, mais on se repose des nouvelles questions maintenant, justement, avec ces outils, notamment sur la question de diaspora et tout ça. Maintenant, on en est quand même, je pense tous, enfin, tous ceux qui s'intéressent à ces questions, sur ces questions de, est-ce qu'on peut avoir un corps physique sur un lieu géographique et son esprit ailleurs, sa mobilisation ailleurs, vous êtes d'accord ? Et donc, en fait, moi, j'avais quand même un peu cette image qu'il y avait des ruptures assez radicales et que dans les textes, on voyait les gens partent et s'ils reviennent, c'est très longtemps après ou que pendant les vacances. Et là, en fait, avec ces gens autour de 80, voire plus, 88 ans, je me suis retrouvée avec des gens qui posent, à mon avis, des sérieuses questions. C'est-à-dire, justement, enfin, sur la question, je dirais, le droit du sol, le droit du sang. Et surtout, lieu de socialisation, c'est-à-dire qu'en fait, eux racontent des itinéraires en fait, d'enfants placés. D'abord, on retrouve énormément les décès prématurés, des gens morts très jeunes. Donc, on se retrouve avec une autre image de la famille recomposée, puisque les familles se recomposent non pas à cause du divorce, mais à cause du veuvage. Hein, et avec des jeunes enfants qui finalement naissent en région parisienne, qu'on envoie en Bretagne. Très très jeune, hein, la divorcée, renvoyée en Bretagne, parce que née par erreur, me dit-elle, en région parisienne. Tout avait été, bon, évidemment, elle était déjà conçue par erreur, vous imaginez. Et par ailleurs, elle le dit assez amèrement d'ailleurs, toujours à hein, 84 ans, et en même temps, elle dit, tout était prévu pour que je naisse en Bretagne pour pouvoir être baptisée, dans les délais réglementaires. Or, il se trouve que je suis née en avance, donc je suis née à Paris. Et en fait, mes parents ont attendu le temps possible pour que physiquement je puisse faire le voyage dans les conditions de l'époque. Il était quand même assez loin du TGV. Et donc, en fait, je suis arrivée avant les 6 semaines pour que le curé puisse faire sonner les cloches maternelles. Et donc, alors, elle raconte des incessants allers et retours entre la région parisienne et le Finistère Sud. Donc, qui sont. Toutes ces histoires d'enfants à la fois placés et déplacés sont évidemment, de mon point de vue, en tout cas des histoires sociales, Et à ce moment-là, une histoire sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien le problème des parents sur place, trop mal logés pour pouvoir héberger l'enfant en question. Et en même temps, on comprend bien en même temps pourquoi c'est dans le sud Finistère qu'elle revient, c'est-à-dire dans la famille paternelle, dans la mesure où on comprend que sa mère a rompu avec sa propre famille. Et on retrouve la famille migratoire, puisque sa mère s'est retrouvée très jeune, enceinte d'un Irlandais. Donc on est toujours bien avant l'entre-deux-guerres, d'un Irlandais venu en stage, et elle me dit le mot stage n'existait pas, mais c'était la même fonction, venu en stage au Moulin. Bon, la fille se retrouve enceinte, et se fait en fait... sortir de sa propre famille. Donc la mère meurt quand l'enfant a 3 ans, et cet enfant est recueilli par la famille de Meunier, qui la considérera toujours comme une bâtarde, ce qui fait qu'en fait, elle se saisit, elle, clairement, c'est ce que dit sa fille maintenant, de l'occasion de rencontrer un Breton ayant nécessité de migrer à cause de sa place dans sa famille, où on retrouve les rangs dans les familles qui gardent la terre, donc plus jeune, donc il part, il devient employé à la SNCF. Et en fait, cette femme, elle a strictement jamais voulu revenir en Bretagne. Pourquoi ? Alors que son époux a voulu revenir. Et que du coup, la fille, elle s'est retrouvée en fait envoyée systématiquement en Bretagne. Alors, de l'autre côté, et je pense que ce qui est central, de l'autre côté, donc l'autre couple extrêmement âgé, c'est le même genre d'histoire qu'on entend, c'est-à-dire en fait, là c'est au contraire le père qui se retrouve veuf, qui ne sait pas trop comment prendre le gamin en charge, donc il le renvoie, alors avec tous les problèmes de transport, le train et finir la route à pied ou à vélo, etc. etc. Et donc en fait, là... on se retrouve surtout avec ces gens-là posant la question, qui est à mon avis une interrogation assez sérieuse, de dire, il y avait tout ça, ça veut dire que pour les uns, pour les autres, en tout, donc j'ai vu 4 personnes dans ces situations-là, disant, pour une, je ne connaissais pas du tout mes parents, puisqu'elle, elle avait été envoyée, elle est restée en fait en Bretagne jusqu'à ses 15 ans, et en disant, quand même, entre deux, il y a eu la guerre. Puisqu'ils sont nés, en fait, justement, souvent, à la fin des années 30. Et donc, en disant, pour nos parents qui étaient en région parisienne, c'était normal d'être en Bretagne, on envoyait les enfants en Bretagne, et les parents venaient aussi. Et donc, en fait, ce qu'on voyait surtout, c'était des incessants allers-retours des parents qui continuaient à venir voir enfants et grands-parents en Bretagne, surtout des tas d'échanges de courriers. Alors, évidemment, cette femme, elle me dit... on voit du coup le choc des cultures, mais alors, est-ce que c'est de la culture bretonne ou paysanne ? C'est-à-dire que ce qu'elle raconte, c'est justement les écarts, ses parents qui tout d'un coup débarquent, et alors la femme, maintenant 78 ans, dit, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette emmerdeuse ? En breton, parce que du coup, elle parlait uniquement en breton, avec des parents qui, eux, parlaient de moins en moins breton, les grands-parents, oui, et en disant, pourquoi on est très très bien sur la terre battue, pourquoi elle arrive tout le temps avec son chiffon et il faut tout le temps nettoyer quand elle est là, donc demandant à sa grand-mère, mais quand est-ce qu'ils repartent ceux-là, qui nous casse les pieds. Et donc en fait, elle, c'est pour poursuivre ses études qu'on l'a renvoyée à Paris, mais d'un autre côté, j'ai vu aussi quelqu'un, alors avec un itinéraire encore plus étonnant sur ses allers-retours, puisqu'elle, elle se retrouve en fait sur cette vague de départ 1905-1906, donc en fait, il s'agit de ses grands-parents. Elle a la mémoire du grand-père ayant inauguré les premiers travaux à la RATP comme conducteur de chevaux, et qui a été formé par la RATP pour passer. Et donc en fait, il fait rentrer son gendre après à la RATP, lequel gendre avait déjà fait son temps dans la marine, ce qui est aussi quelque chose qu'on connaît déjà assez bien. Donc il avait eu un petit pactole, suffisamment en fait d'acquis à la RATP pour décider de rentrer en Bretagne à 50 ans avec cette femme qui, à l'époque, avait 10 ans. Donc, elle a passé les 10 premières années de sa vie à Paris. Elle était aux premières loges pour assister aux événements du Front populaire, où elle me dit maintenant, j'étais dans un quartier sensible à Paris. Donc, avec le vocabulaire contemporain, quand je lui demande où, elle me dit on habitait au Panthéon. Finalement, c'est... Et du coup, elle me dit, Mais quand je suis arrivée à 10 ans, elle a repéré de la part de son institutrice qui parlait français les bretonismes, puisqu'elle, elle était décalée. Il fallait qu'elle s'adapte à ça. Et finalement, elle est repartie vivre à Paris, où elle a vécu en fait toute sa, la vie active de son époux, puisqu'elle n'a jamais travaillé en fait, parce qu'elle a épousé donc un pays, comme elle dit, qui lui, justement, comme orphelin, était hébergé par sa tante. Ça veut dire qu'il revenait à toutes les vacances, avec en même temps des gens qui insistent énormément sur le social, en disant « Ouais, mais là, je vous parle d'une époque avant ou après les congés payés. » C'est-à-dire en disant « Les gens revenaient avant les congés payés, c'était bien lié à leurs conditions de travail et les disponibilités de temps qu'ils avaient pour revenir, mais ils sont aussi, évidemment, revenus après. » Donc, en fait, et c'est pour ça que je parle aussi d'Internet, toutes ces relations, tous ces gens parlent énormément de l'importance du courrier, c'est-à-dire des échanges permanents par courrier. Les hommes partaient à l'armée, la marine, etc., etc. Donc en fait, la question qui pose maintenant sur comment ça se passe le retour, c'est vraiment une question sur la responsabilité individuelle. Parce que en fait, eux disent, mais voilà, c'est aussi les questions de Sayad, en disant, bah, les enfants, naître en émigration, être en émigration comme enfant, c'est de toute façon subir la loi du groupe. Donc eux, en fait, ils disent, mais bon, voilà, c'était comme ça, je suis née là-bas, mais est-ce que je suis plus ici que là-bas, avec ces temps d'enfance et de jeunesse complètement partagés, puisque, en fait, on va les retrouver dans les catégories complètement globales de Gribier après, sur les trajectoires des provinciaux. Alors du coup, ça fait que dans mes 10 rencontres, j'ai vu 7 générations nées en région parisienne, avec des parents partis très jeunes, hein, le père de l'un s'était parti à 13 ans, pareil, en fait, orphelin, donc placé par la famille, et toujours placé pour tous ceux que j'ai vus, c'était de toute façon, ce qui était central, c'était la famille, placé dans la famille, par la famille, et donc, en fait, c'était quand même une forme de prise en charge par l'ensemble de la communauté, de tous les enfants en difficulté, d'une manière ou d'une autre, mais avec une conception des choses qui fait qu'en fait, il n'y avait pas réellement de frontière entre la Bretagne et la région parisienne, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, ce qu'ils racontent tous, cette génération, c'est « mais c'était la même chose ». Alors, avec des gens qui se retrouvent en Bretagne, se rendent compte, se connaissaient pas ici, se rendent compte qu'ils sont nés dans le même hôpital à Saint-Denis, je vous assure que c'est vrai, et qui racontent exactement la même chose, c'est-à-dire qui racontent le marché de Saint-Denis en disant « mais de toute façon, on n'était pas du tout perdus, tout allait bien pour nous, en tous les cas comme enfants, tout le monde parlait breton, les clients comme les commerçants, on était donc... » On n'en a pas souffert, puisqu'on était dans le groupe. Et donc, après, en fait, je retrouve la question de la responsabilité passée autrement, c'est-à-dire en fait des gens qui disent on a bien du mal quand on considère qu'on n'est pas vraiment breton parce qu'on est né ailleurs, et après, la question de la responsabilité, en fait, est reposée autrement par ceux qui sont partis après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que le problème de fond, c'est quand même ça. C'est-à-dire que tous ces gens qui, finalement, tous font partie des classes populaires, du point de vue de la sociologie. Mais dans toute l'hétérogénéité des classes populaires. C'est-à-dire, en fait, le haut, le bas, etc., etc. Donc, en fait, ils se retrouvent tous, finalement, à subir des mises en catégorie auxquelles leur groupe social d'appartenance participe très peu. C'est pas eux qui construisent les catégories. Donc en fait, ils savent très bien que cette émigration est décrite comme massive. Mais eux, quand ils reviennent, ils sont bien considérés par les proches, les voisins, comme des individus. Et en fait, chacun est renvoyé à sa responsabilité individuelle. Alors, certains l'acceptent très bien, parce qu'il n'y a pas d'accord politique, ce n'est pas un groupe unifié. Donc certains l'acceptent très bien d'être renvoyé à cette responsabilité individuelle, alors que d'autres le récusent complètement, en disant, voilà, de toute façon, j'étais... un jouet dans ce mouvement de l'histoire, et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu là-dedans. Donc je pense que c'est surtout ça qui me paraît important, c'est que qu'on prenne les uns ou les autres, en tous les cas, alors je dirais que c'est presque deux générations, puisque évidemment, ceux que je viens de rencontrer qui ont entre 78 et 88 ans, nous parlent de leurs enfants qui sont eux-mêmes retraités maintenant. Donc c'est le plus jeune des retraités que j'ai vu. Là, qui est le plus jeune des retraités que j'ai vu, hein, la plus jeune a 61 ans. Et donc en fait, tous, de toute façon, ce qu'ils mettent en priorité en avant, c'est leur appartenance sociale. C'est le rapport au travail, c'est l'économie qui prime. C'est absolument pas les appartenances culturelles qui comptent. Et donc, en fait, on se retrouve, de mon point de vue, avec des choses, en fait, qui, si je les interroge, justement... Alors, quand même, peut-être, ça peut peut-être être utile que vous ayez quand même un ordre d'idées. C'est bien clair que c'est de l'exode rural, puisque de toute façon, ça c'est vraiment ce qu'a démontré Rivier aussi, c'est qu'on retrouve les gens là, d'où ils sont partis, puisque je les ai vus en zone rurale, on pouvait présupposer que c'était des migrants qui quittaient une zone rurale, d'accord ? Et bien entendu, qui dit rural ne dit pas agricole, donc là c'est très clair, les professions des parents ou des grands-parents, sur cet ensemble de personnes, il y a une différence ô combien significative, mais là ça recoupe les travaux de tas d'autres gens, hein, sur les paysans sans terre ou les paysans avec terre. Il y a une différence considérable dans ce qu'ils ont à dire maintenant. Autrement, on retrouve en fait des ouvriers, des petits commerçants. Et donc en fait, c'est bien pour ça que je dis qu'on est du côté des classes populaires, mais on voit bien tous les écarts que ça fait en migration. Parce qu'un enfant de commerçant, devenu commerçant à son tour en région parisienne, avec lui-même un fils bientôt retraité, chef d'entreprise en région parisienne, il tient évidemment, ça paraît assez cohérent, pas du tout les mêmes propos sur, en fait, les appartenances culturelles de maintenant. Donc, ce qu'on voit sur le départ, hein, alors, ben, pourquoi ils sont partis ? Alors, il y a ceux, évidemment, qui sont nés là-bas. Bon, c'est les parents, eux, ils sont nés là-bas. Les autres, ce qui est assez frappant, ceux qui sont partis dans l'entre-deux-guerres, c'est le silence. C'est-à-dire, il n'y a rien à dire. Alors, ce que je vous disais sur la difficulté de trouver des intermédiaires, puisqu'en fait, c'est quand même des pratiques ordinaires. Bon, ça, c'est aussi Anne Millou qui a pas mal écrit là-dessus, je pense, notamment chez les hommes, sur l'aptitude à se taire. Et surtout, à se taire parce que, se disant, mais tout a été dit, tout le monde le sait, puisque tout le monde faisait ça, il n'y a rien de particulier à raconter, pourquoi vous venez nous demander ça ? Sauf si effectivement l'intermédiaire a été extrêmement efficace. Et il n'y a rien à dire, tout le monde le faisait. Donc une fois en fait qu'on sait ça, eh ben, on s'aperçoit inévitablement que les propos des hommes et des femmes sont assez radicalement différents. Ce n'est pas du tout la même question. Et en tous les cas, du coup, ça paraît évident que ce n'est pas forcément très de circonstance de demander pourquoi les gens sont partis, puisque vous êtes censé le savoir. Alors qu'en fait, quand on leur demande comment ils sont partis, enfin, selon les fameuses ficelles de métier de Becker, on en apprend beaucoup plus. Et là, ce qui fonctionne complètement, c'est évidemment les réseaux familiaux, amicaux de voisinage, mais en zone rurale c'est la même chose. Généralement, en fait, les amis sont les voisins. Donc c'est bien pour ça qu'on retrouve, parce qu'il y avait vu pas mal d'autres gens bien avant moi, hein, c'est comment ça circule. Mais la difficulté qu'on retrouve, par exemple, assez bien dans le fameux bouquin de Didier Violin, pardon, sur les Bretons de Paris, et dans le documentaire qui a été diffusé sur France 3, Breton en scène, où en fait, c'est un peu ça aussi mon problème, où finalement on retrouve exactement les mêmes enquêtés, puisqu'en fait on mobilise les mêmes informateurs, c'est-à-dire des informateurs qu'on peut repérer, puisqu'ils ont pris des responsabilités visibles, publiques, syndicales, politiques, culturelles, etc. etc. Ceci dit, on retrouve un peu la même chose, et donc là, en fait, la parole est surtout donnée, dans ces témoignages-là, à ceux qui disent que le retour n'est pas si facile, ce dont on pouvait un peu se douter, mais en même temps, bah, là aussi, en fait, dès qu'on rentre dans le détail de chacune des trajectoires, le retour peut être finalement relativement aisé pour certains et beaucoup plus difficile pour d'autres, puisque, de mon point de vue, si on est sur une trajectoire, on doit bien considérer comment les gens sont partis, pourquoi ils sont partis, et ce qui s'est passé dans l'intervalle pour eux. Et donc, en fait, on n'a pas du tout la même chose selon, d'une part, si on est un homme ou si on est une femme, si on est une femme qui a elle-même travaillé ou pas, ça me paraît assez déterminant. Et en tous les cas, le point commun à tous ces gens, et c'est pareil avec les plus anciens, on s'aperçoit que, de toute façon, ceux qui sont revenus sont ceux qui ont avaient du bien en Bretagne, c'est-à-dire qu'ils sont tous propriétaires, sans exception, et avec des propriétés qui, justement, parfois remontent aux générations de ceux qui sont considérés comme partis chassés par la misère. C'est un peu tout le paradoxe, puisque le problème, c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le statut de la terre, c'est-à-dire entre la terre agricole et la terre qui est devenue terrain constructif, qui a pris de la valeur en Bretagne. Et donc, en fait, on se retrouve comme ça avec des gens qui, en fait, ont de leur point de vue réussi leur promotion sociale en région parisienne, en partie, en fait, par l'appui, en fait, de la famille restée en Bretagne, par héritage, en fait. Donc, alors, parfois, ça se joue sur deux générations, c'est-à-dire un orphelin qui hérite de sa mère et qui peut acheter un terrain en région parisienne qui servira de jardin, mais la génération d'après par son travail et les possibilités, justement, l'aide à la pierre de l'époque et tout, fera construire sur le terrain. Évidemment, au retour en Bretagne, avec l'augmentation des coûts de l'immobilier en région parisienne, ça permet un retour plus facile en Bretagne. Mais si on est sur la question de, surtout, trouver sa place, puisque c'était aussi, évidemment, ma question, c'était comment, en fait, trouver sa place en Bretagne. Eh bien, là, en fait, on voit bien que, finalement, on continue sa vie comme on l'avait menée au départ. C'est-à-dire qu'en fait, les appartenances qui deviennent importantes sont les appartenances professionnelles. Est-ce qu'on reste dans un réseau tout en étant retraité? C'est les appartenances syndicales, les appartenances politiques. Tant qu'on n'est pas, en fait, justement, dans la rivalité, ou une autre, ces appartenances-là tiennent comme elles ont tenu au départ. C'est-à-dire, si on a réussi en fait à arriver à Paris, par exemple, par l'intermédiaire de la JOC, ce réseau, il se maintient, il continue à la retraite, et finalement, la question d'où on a passé sa vie n'en est pas réellement une. Alors que, en fait, quand on n'avait pas de réseau, la question se pose beaucoup plus. Ou, en tous les cas, elle se pose surtout, en fait, on est renvoyé à son statut d'étranger, comme pour tous les migrants, je pense, dès lors qu'en fait, on pose un problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le dernier argument pour évincer celui qui pose un problème. Et là, en tous les cas, là où la question se pose avec énormément de ressentiment, c'est pour ceux qui, en fait, ont une vision des choses où ils disent clairement qu'en fait, ils ont été, en fait, expulsés par la Bretagne. Ce qui n'est pas du tout la même chose que les gens qui considèrent que, dans ces circonstances sociales et politiques, ils avaient une marge de manœuvre. Ce qui est surtout le cas des femmes, qui disent que, finalement, elles avaient quelque chose à gagner dans l'immigration, c'est-à-dire à sortir de la pression familiale, sociale, etc., etc. Alors que les hommes qui considèrent qu'ils sont partis, et là le témoignage le plus vif, c'est l'aîné d'une famille de fermiers, qui a des souvenirs à 80 ans de visite du propriétaire venant marquer les arbres et empêchant la culture dans certains champs, puisque les baux interdisaient d'abattre les arbres, et donc en fait en disant... On payait des loyers pour une terre qu'on ne pouvait pas exploiter. Et c'était la crainte perpétuelle de l'expulsion, en disant cette image des familles dans les charrettes qui devaient quitter à la Saint-Michel, etc., etc. Et donc, évidemment, vous imaginez bien que quand il revient en Bretagne, en fait, il rentre en conflit avec un agriculteur, en ce moment, qui veut étendre sa propriété. S'il se retrouve à la tête du groupe, qui lutte contre l'extension, allié au maire. Hein. Enfin, le maire soutenait quand même en fait cette lutte. Hein. il se retrouve dans un conflit très très vif, et là, il est immédiatement renvoyé à son appartenance paysanne, en disant, en tant que fils de paysan, tu devrais comprendre. Et là, on retrouve en fait toute une mobilisation dans le village, où on joue en fait de toutes les appartenances, la famille, ton frère qui est resté là, en fait, on va l'interpeller pour lui dire, mais pourquoi l'autre il est revenu si c'est pour emmerder tout le monde ? Et en fait, là, le retraité de la SNCF, de dire, mais au départ, on n'avait pas les mêmes intérêts. Alors, à quel moment c'est rappelé dans l'histoire ? C'est-à-dire en disant, c'est à cause de gens comme toi que moi, je suis partie pour vous faire de la place, donc maintenant, je ne veux pas subir ce reproche d'avoir quitté la région. Et donc, en fait, les conflits qui sont énoncés dans d'autres textes, sur d'autres provinciaux, etc., etc., on voit bien, en fait, que, ou Varsayade pour d'autres générations, c'est-à-dire toutes les questions rivalité, jalousie, etc., etc., elles arrivent évidemment jamais par hasard, il y a bien un événement, et elles arrivent visiblement beaucoup plus dans les centres-bourgs, où les gens sont sous le regard les uns des autres, que dans les hameaux dispersés autour des bourgs, où on est moins sous le regard des autres. Donc en fait, là, ce que moi je trouve intéressant, c'est de voir comment en fait la mise en forme et la mise en mots de ces phénomènes qui concernent finalement tout le monde est reprise par les uns et par les autres. Puisque là, en fait, notre retraité rebelle, au nouvel ordre paysan, on va dire, me cite une lettre qu'il a reçue qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que ce qui l'a marqué là-dedans, c'est de dire, regarde, il parle presque tous, il fait presque de la prose en parlant, en disant, il croyait revenir et voir les chevaux dans la terre et les paysans dans la misère, en disant, mais il me prend pour qui ? Je sais très bien que les paysans, ici, sont plus du tout dans la misère. C'est-à-dire qu'en fait, les gens contestent, à cause du va-et-vient dont je vous ai parlé, l'idée que les retraités croient revenir et retrouver ce qu'ils ont quitté. Et eux, ils disent, mais non, c'est pas vrai du tout, puisque de toute façon, on revenait tout le temps. Et là où on les retrouve, les Bretons, dans complètement l'ordinaire, des citoyens français ordinaires, c'est dans les travaux de Grévier, depuis 1969, son travail sur les vacances, en fait, les provinciaux, en disant, bon, l'Ouest surreprésenté, mais ce qui était logique, le nombre de vagues de migrants, en disant, émigration rurale, position sociale modeste dans l'émigration, donc hébergement dans la famille étant en Bretagne, en fait, ça fait des liens qui se perpétuent. Donc, en fait, alors, avec tout le problème, jusqu'à quel point c'est une contrainte ou pas. Parce que sur les questions rivalité, on voit très bien, en fait, que les gens qui disent bah, « je suis parti, j'ai fait ce boulot-là parce que le voisin, il y était déjà et on pouvait rentrer », discutent aussi, en fait, du coup, des rapports de force dans cette période-là, les années 50-60, sur place. C'est-à-dire en disant « il y avait quand même d'autres boulots à faire que paysans ». Alors que la question du partage des terres, elle est extrêmement audible, entendue, en disant « mais les places disponibles, là, on était bien dans une lutte entre nous ». Pour savoir qui allait pouvoir rester. Et donc, il raconte notamment, bah là, c'est Bourdieu, qui a joué de quelle forme de capital social pour pouvoir rester à l'EDF ou à la SNCF, etc., etc., en Bretagne. Alors que d'autres, de toute façon... Alors, c'est vrai que les hommes, d'une manière générale, disent qu'ils voulaient rester, sauf certains qui disent très clairement, eux, que finalement... ces temps de tension sociale, ou en tous les cas de manque d'emploi en Bretagne, leur a permis à bon compte d'être dans la rupture familiale, sans dire qu'il s'agissait de rupture familiale. Alors, en disant, et souvent, en fait, visiblement, enfin, dans les échos que j'ai eus, parce qu'on peut dire que quand même à ce stade-là, c'est plus des échos qu'autre chose, un vrai témoignage et d'autres échos, qui étaient plutôt, en fait, rupture liée justement à ces recompositions familiales liées au décès de l'un ou de l'autre. Et en fait, l'arrivée d'un beau-parent avec lequel on ne s'entend pas, d'autres enfants, bon, on n'a plus trop sa place dans la famille, et du coup, en fait, mais c'est plus facile de dire on n'a plus sa place en Bretagne parce qu'il n'y a pas de travail, plutôt que de dire on n'a plus sa place dans la famille. Par contre, ce qu'on voit très très bien, et là, c'est pareil, alors on retrouve Prado, Grévier et tout ça, tous ces auteurs-là pour dire, bah, de la même manière, pour le retour, les femmes, c'est Prado, je crois, de mémoire, qui disait, les hommes sont beaucoup plus ardents à remonter dans le train du retour. Bon, ça demeure. Alors lui était sur les années 80. Visiblement, le phénomène n'a pas tellement changé. Cribier dit exactement la même chose pour l'ensemble des provinciaux, de la même manière qu'elle dit quand même que, en fait, que leurs recherches leur ont démontré qu'on avait 6 retraités des sociétés de transport parisiennes dans l'entre-deux-guerres qui revenaient en province. Et en fait, ce mouvement, il a continué jusqu'aux années 80. Et ce qu'elle démontre, c'est qu'on revient centralement. Ceux qui reviennent sont des jeunes retraités, ce qui s'est tous retrouvés là, d'ailleurs avec des gens qui restent très préoccupés par le social et qui se soucient beaucoup du sort des futurs retraités, des plus jeunes, en se disant « nous, on a eu la chance de pouvoir revenir et de pouvoir penser qu'on aurait une vie sociale, active, sur place, puisqu'ils sont revenus, bah, certains à 50 ans ». Donc en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré une femme de 80 ans qui me dit « mais moi, j'ai passé beaucoup plus de temps en Bretagne qu'en région parisienne ». Alors, être tout le temps renvoyé à l'image de la parisienne, ça me fatigue un peu. Et donc, en tous les cas, ce mouvement, en fait, est beaucoup plus fort pour les jeunes retraités en couple. Ce que je retrouve dans mes 10 rencontres, c'est pour les femmes seules, si elles sont soit tout en bas de l'échelle sociale, soit tout en haut. C'est-à-dire qu'elles ont absolument besoin de revenir tout en bas. Et elles ont, en fait, les capitaux culturels pour revenir en étant haut, et économiques, évidemment. Et on retrouve aussi, pour tous les provinciaux, qu'on revient beaucoup plus, ce qui paraît assez cohérent, dans sa région d'origine, quand les deux membres du couple sont de la même région, bien sûr. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est des situations qui, d'une certaine manière, en tous les cas de mon point de vue, coincent un peu les femmes. Parce que finalement, si on regarde un peu... précisément ces appartenances au milieu populaire, on s'aperçoit en fait que dans l'immigration, on a vu des mariages mixtes socialement. C'est-à-dire en fait des femmes plus pourvues, avec plus d'héritage, qui ont épousé des hommes moins bien pourvus. Du coup, si l'héritage vient de leur côté, c'est elles qui se retrouvent dépositaires du bien en Bretagne, même si elles n'avaient pas trop envie de revenir en Bretagne, parce qu'elles craignaient d'être mal accueillies ou de ne pas avoir de vie sociale à leur convenance. Les réalités économiques font que ça peut être plus sage de revenir en Bretagne. Alors, sur les appartenances culturelles, je pense que ce qui m'a paru vraiment frappant chez ces gens-là, y compris, en fait, on assiste à des choses assez curieuses, par exemple, sur du coup, le rôle de la langue. Je pense que c'est quand même une question importante, parce que finalement, la question, je trouve, qui se pose, c'est si on regarde les travaux de Grévy, on dit, c'est des retraités comme les autres, comme tous les autres provinciaux. Je pense que notre question ici, c'est de dire, oui, mais est-ce qu'on peut être comme les autres quand on revient dans une région qui, pendant tous ces temps d'émigration, a mené son combat en interne pour acquérir un statut de région à forte identité ? C'est la question de l'assignation à identité, c'est ce que je vous disais. Moi, je me suis retrouvée la première là-dedans, assignée à une identité qui vous échappe complètement. Bon. Et là, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette question-là ? Alors, je considère que, visiblement, cette question, quand ils sont partis, ou quand ils sont nés en région parisienne, les laissait passablement dans l'indifférence, voire même un peu exaspérés quand vous leur posez la question, parce qu'ils vous disent « Non, mais vous ne vous rendez pas bien compte, on avait franchement autre chose à faire ». La priorité, c'était trouver du travail, trouver un logement, etc., etc. Faire grandir les enfants dans de bonnes conditions. Bon. Et donc, en fait, participer aux fêtes, etc., etc., c'était pas un refus, c'était simplement lié, mais c'est complètement associé, en fait, à la question de la vie quotidienne ordinaire. Donc, à l'occasion, oui, pourquoi pas une fête, comme on aurait fait en Bretagne, c'était pas des militants, c'est clair. Ni les uns ni les autres n'étaient des militants. La seule qui était un peu militante, 78 ans de nos jours, dit très clairement, j'ai été reine de Bretagne, j'ai joué de l'accordéon, je voulais juste emmerder mon père, et j'ai jamais entendu cette expression en dehors de ce cadre, qui était, de mon point de vue, un véritable dictateur familial. C'est comme ça qu'elle l'appelle. En disant, il voulait m'embarquer dans ces trucs, à Saint-Denis tout le monde était coco, moi je l'ai trouvé stupide, ça me donnait l'occasion d'échapper, le dimanche, aller jouer de l'accordéon, si c'était là, bon, très bien. Bon. Les autres, en fait, C'était à l'occasion, si on avait le temps, si les enfants n'étaient pas malades, enfin des choses aussi bêtes que ça. Hein. C'était, bon, on y allait un peu, sans plus. Et puis, tous disent qu'ils ont abandonné la langue dès qu'ils sont arrivés en région parisienne, et que pour les plus jeunes, évidemment, ceux qui sont partis après-guerre, puisque les autres, je vous ai dit, c'était plutôt le contraire. Et donc, mais en même temps, bon, il y a une femme qui me dit, mais qu'est-ce qu'on a abandonné finalement ? On avait très peu de mots. C'est ce qu'elle m'a dit. De toute façon, on avait très peu de mots à notre disposition en breton. Donc, voilà, les enfants, ils allaient à l'école en français. Donc, quand je leur demande, mais même dans les échanges, justement, dans le couple, et là, il s'agit de familles qui partent ensemble, hein, c'est-à-dire qu'en fait, tous dans la même entreprise, dans la même ville, en disant, non, même dans notre génération, on a abandonné le français. Et donc, ce qui est... Pardon, le breton, oui, excusez-moi. Et donc, là, ce qui se passe maintenant, c'est que là, il y a un vrai clivage qui se voit dans la façon aussi dont les gens se présentent, sur les fameux marqueurs identitaires. Par exemple, je pense que je dévoilerai l'anonymat de personne ici en disant que c'est frappant sur ce, quand même, peu de gens vus en chair et en os, le nombre de François que j'ai. Alors, j'ai des François, puis j'ai un Fanche, qui, à l'état civil, s'appelle François. Un des plus jeunes. Et donc, en fait, qui dit très clairement « Je suis Fanche depuis que je suis revenue en Bretagne », qui a toujours été, en fait, justement, militant à la JOC et à la CFDT, porté par ce... et qui était non-bretonnant de naissance. Alors que les bretonnants de naissance disent en étant inquiets. Parce que moi, je pense que ça, c'est quand même vraiment important de le faire savoir. Enfin, je considère en tout cas que ça fait partie de mon travail, de faire savoir qu'il y a une forme d'inquiétude à dire non, ça on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais il n'y a plus de notre point de vue. Notre catégorie n'a pas d'espace pour dire notre désaccord avec l'imposition du breton dans l'espace public. Enfin, ils ne le disent pas comme ça, ils disent franchement, vu le nombre de vieux qu'il y a maintenant en Bretagne, pourquoi on nous colle partout des trucs en breton alors qu'on n'a même pas le temps de lire les premiers trucs et comment ils font les étrangers, etc. Non, mais, bien sûr. Et donc, en fait, la question de la langue est particulièrement vive, évidemment, chez tous ceux qui considèrent qu'en fait, c'est la Bretagne qui les a lâchés. C'est-à-dire, en fait, qui leur a dit, ben, partez, faites de la place aux autres. Alors que, alors là, enfin, quand ces gens m'ont raconté ça, j'ai vraiment pensé à Ronan, avec sa langue qui invite à se réunir, parce que pour eux tous, ce qui invite à se réunir dans les pratiques culturelles valorisées en ce moment en Bretagne, c'est donc pas du tout la langue, c'est la danse. Par contre, là, il y a vraiment, en fait, une implication réelle dans ces groupes, surtout portée par les femmes, mais rejointe par les hommes qui ont accepté d'en parler, je ne sais pas pour les autres, hein, mais en tout cas des femmes qui ont fait des tas de démarches pour rejoindre, en fait, des groupes, parce qu'elles disent, justement, la danse invite à se réunir. Alors que la langue, j'ai eu vraiment des déclarations très violentes, et notamment de cette femme-là qui jouait de l'accordéon, et qui est du coup bretonnante de naissance, puisqu'elle est arrivée là toute petite, elle a grandi là. Donc elle est arrivée là, elle, les autres, donc les autres pour elle, c'est les autochtones, ceux qui n'ont jamais bougé, ne présupposaient pas du tout qu'elle parlait mieux breton que certains qui sont restés là. Donc elle a entendu des tas de propos très visiblement désobligeants à l'égard des nouveaux arrivés. Et elle, en fait, elle a épousé un enfant breton né à Nières, qui avait été élevé par ses grands-parents bretons, une fille mère abandonnée par un gars du Nord, qui m'a dit. Donc son mari, du coup, lui, n'était pas bretonnant. Et elle a visiblement piqué des très, très grosses colères, parce que... éruptive, on va dire, parce que justement elle considérait que c'était une véritable fermeture dans le club du troisième âge, etc., etc., de parler pendant tout le repas du troisième âge en breton, du début à la fin du repas, sans inviter justement son mari à la possibilité de se joindre à la conversation. Donc là, elle interroge fortement, quoi, en disant mais alors, du coup, c'est quoi cette langue, puisque justement, c'est pas une langue qui accueille. Ce n'est pas, voilà, c'est repoussé à cause de cette langue. Alors que la danse. Alors, ce qui est assez intéressant de mon point de vue, c'est que en fait, on voit dans ces cas-là que des gens qui sont restés, qui ont construit leur vie de façon individualiste, en fait, ceux que j'ai vus, à l'exception d'un militant, ont plutôt été dans des logiques individualistes pendant toute leur vie active. Et en fait, quand ils reviennent, ils attendent finalement des municipalités, que ce soit les municipalités qui construisent l'accueil de ceux qui arrivent, c'est-à-dire qui refassent du lien social pour permettre... et pour que ce soit finalement la municipalité, quelle qu'elle soit, qui prenne la responsabilité en fait, du refus d'étiquetage de « vous êtes des étrangers ». Donc, selon bah, là où ils sont installés, il y a des... D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, comme ils sont là parfois depuis retraités depuis 25 à 30 ans, ils disent qu'ils voient des évolutions en ce sens-là. C'est-à-dire que les communes qui sont en train de s'agrandir considèrent les retraités, les retours au pays, comme les nouveaux arrivants. Donc, il y a un nouveau lotissement qui s'ouvre, bah, on a tout le monde, et puis voilà. Et du coup, en fait, là où en fait les échelles de territoire changent, c'est que finalement, pour retrouver un groupe, puis j'arrêterai là peut-être pour vous laisser un peu de temps, c'est que finalement les gens se déplacent beaucoup, sortent de leur commune, pour finalement, et notamment par les activités culturelles, du moment qu'il n'y a pas l'obstacle, parce que du coup c'est considéré comme un obstacle de la langue, par les pratiques culturelles, en fait finalement ce qu'ils recherchent, c'est les autres Parisiens. En sachant que, comme m'a dit un des enquêtés, Paris, ça va jusqu'à Longwy. Puisque, évidemment, en fait, pour eux, la catégorie breton de Paris n'existe pas, ils n'ont jamais entendu. Mais en fait, les Parisiens, c'est tous ceux qui sont partis et tous ceux qui ne sont pas des touristes. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Il y a un touriste et Parisien. Donc, voilà. Bon, je pense que j'aurai encore plein d'autres choses à vous dire, mais je vous laisse quand même un peu de temps. Bon, merci beaucoup, c'était vraiment très riche, très instructif, notamment sur le breton, on a quelques-uns à travailler. Donc, je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas... Midi 20. Oui, d'accord, donc voilà, il nous reste une quarantaine de minutes pour débattre, donc la parole est à la salle. Alors, qui veut commencer? Moi, je veux bien. Vous nous avez donné des témoignages de personnes qui avaient émigré en pensant qu'elles n'avaient pas leur place en Bretagne. Est-ce que vous leur avez posé la question aussi, quand ils rentrent, est-ce qu'ils ne prennent pas la place, en particulier dans ce qui est, par exemple, l'immobilier, de jeunes bretons qui ne peuvent pas du coup acheter des maisons dans des endroits où ils auraient normalement pu, s'il n'y avait pas eu la pression du bien vendu à Paris, qui apporte un pactole beaucoup plus. Ben, est-ce qu'on aurait posé cette question-là ? Non, parce que là, je pense que c'est lié à la façon dont c'est construit de façon totalement en fait, empirique cette enquête. C'est-à-dire que, en fait, du coup, la grande partie des gens que j'ai vus étaient sur, de toute façon, des communes où il n'y a pas ce problème d'explosion, parce que j'ai été très très peu sur le littoral, alors que la question se pose beaucoup plus sur le littoral. Et en plus, alors le peu de gens que j'ai vus sur le littoral, ils font justement partie de cette génération des plus de 80 ans. Donc en fait, ça veut dire, c'est là aussi qu'on retrouve tous les trucs de Grivier, c'est-à-dire que qui sont assez classiques, on passe de la résidence secondaire à la résidence principale, qu'on construit éventuellement au fur et à mesure, et il y a une grande part d'auto-construction. Donc, parce que je vous dis, on est quand même au départ dans les classes populaires. Donc en fait, sur cette question, je pense qu'ils vous répondraient, mais tout ce qu'on l'a eu, on l'a mérité, on l'a gagné. Et c'est vrai que c'est assez énorme en disant... soit on a sauvé la maison qui allait s'écrouler. Dans ces années-là, personne n'en voulait, quoi. Au moment où eux, ils sont devenus propriétaires. Mais ceci dit, c'est vrai pour les autres, évidemment que c'est une vraie question. Enfin, moi, j'en sais rien, mais ce que je sais, par contre, sur cette question-là, par nos étudiants en sociologie de Brest, où on a quand même un grand nombre qui viennent du Sud-Finistère, c'est que c'est... ça, c'est sûr que c'est une vraie question en ce moment en Bretagne. Enfin, ils en parlent tous, les jeunes. Moi, j'habite dans une commune... littoral du Sud-Finistère, c'est pour ça que je me pose cette question. C'est évident qu'il y a un enjeu réel. Si vous voulez, en fait, je pense que la question, c'est ça, c'est à quel moment on peut faire apparaître qu'il y a en fait des luttes internes sur place, quoi, de concurrence, quoi. Je pense que. Alors sur la question de justement la transmission, dans tous ces gens-là, il y a autant d'enfants qui sont revenus en Bretagne que de petits-enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les gens disent qu'ils reviennent, ils sont partis, leur départ est complètement lié à leur position dans la famille, mais leur retour aussi. Donc ils sont revenus, tout cela, par solidarité familiale envers en fait leur ascendant, en ayant la conscience tranquille, parce qu'ils ont permis une petite promotion sociale à leur descendant. Ou une grande, parfois une grande. Mais par contre, là c'est pareil, en fait, on voit bien les différences entre les hommes et les femmes. Parce que du coup, on se retrouve avec des femmes qui disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Je suis partie, j'ai suivi mon mari, j'ai élevé mes gosses, je reviens là, mes parents sont vieux, il faut que je m'en occupe malade. » Et je ne vois pas mes enfants, et je ne suis pas une vraie grand-mère, parce que je voudrais pouvoir m'en occuper plus, alors que je suis en vacances, comme tous les autres provinciaux. Mais par contre, alors du coup, ce qui les intéresse, c'est de savoir que va devenir la maison, qui a quand même été l'objet de tous leurs soins, qu'ils ont participé à construire et tout ça, si justement, eux, effectivement, c'est quand même l'œuvre de leur vie, généralement, leur maison en Bretagne. Parfois, c'est la deuxième ou troisième, hein, mais en tout cas, ils ont pour envie qu'elle soit vendue à des étrangers. Petite anecdote qui va un peu à contre-courant de ce que vous disiez sur tout ce qu'on a eu, on l'a mérité, on l'a gagné. Mais c'est vraiment anecdotique. Hein, mais, j'ai invité pendant un moment dans le centre-Bretagne et j'avais des voisins dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient partis travailler chez Renault, dans les usines Renault. Donc ils sont revenus et effectivement, leur maison, c'était l'œuvre de leur vie. Et il y a eu un incendie dans cette maison. Donc cette maison a pris feu. Et je me souviens d'entendre la dame dire « Ah, voilà, c'est de notre faute. On n'aurait pas dû. On s'est enrichi. Nous, on était des pauvres et on devait rester pauvres. Ouais. » C'était la punition. Mais par contre, moi, j'aime beaucoup, enfin, je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais pour moi, ça a été quelque chose de très, très important. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait sa connaissance. J'ai lu, en faisant ce travail de thèse dont je vous parlais sur les questions d'habitat, justement, La nouvelle NDU, les talus ont disparu. Je pense que c'est, de mon point de vue, c'est la meilleure nouvelle de tout le recueil, pour ceux que j'avais besoin de comprendre, en tous les cas. Et en tous les cas, sur cette question-là, ce que je trouve, et là, je l'ai relu récemment, parce que sur cette question de « on l'a mérité », je pense que, enfin, je ne sais pas si tout le monde connaît cette nouvelle, si on parle tous de la même chose, qui raconte, voilà, les talus ont disparu, ces années de transformation, les fameuses années 50-60 dans le monde là, agricole et donc rural. Et donc, en fait, dans la nouvelle édition, on voit très bien une période très très courte entre le désarroi de ce fils aîné qui va finir par se suicider et sa petite sœur née 4 ans après. Et en fait, là, moi, j'ai retrouvé exactement la même chose dans ces témoignages-là, c'est-à-dire les moments où les gens sont partis, qui part. Donc, certains disent « je pars parce que j'étais l'aîné », donc il fallait que je travaille parce que les parents ne pouvaient pas nourrir tout le monde. Et c'était une famille, il n'y avait que 4, hein, on n'est pas dans les clichés, 8-10. Hein. Bon. Et donc en fait, par mon départ, mon frère est resté, parce que dans ce temps très court finalement, dans une fratrie, l'agroalimentaire s'est développé, mon frère est devenu contrôleur laitier, etc., etc. Et donc en fait, en disant ce qu'on ne supportait pas, c'est que ceux qui restaient pensaient que notre vie s'améliorait du jour au lendemain. Et là, lui, il dit, je suis partie, je bossais à la SNCF, c'était les pires conditions de travail physiquement, c'était les plus bas salaires, je suis partie dans l'Est, on sortait de la guerre, il n'y avait pas de logement, j'étais obligée de demander des logements à Paris, on n'avait pas d'eau, il n'y avait pas d'hygiène, donc quand je lui dis, il est parti en couple, et on a eu un enfant tout de suite, donc il a fallu qu'on ait un, bon, qui visiblement n'était pas la question de renvoyer en Bretagne à ce moment-là. Et donc, en fait, quand je leur dis, mais à ce moment-là, mais quelle différence avec la Bretagne ? Vous avez peut-être regretté en disant, c'est pas mieux. Et là, ils m'ont dit, mais il y en a énormément qui sont partis, qui ont craqué, qui sont revenus. Et, mais alors, si je vous parle de la nouvelle d'Adiou, c'est qu'on voit en parallèle, exactement dans les mêmes années, dans cette nouvelle, que pour ceux qui sont restés, ça n'a pas été non plus magique, du jour au lendemain, les conditions ne sont pas améliorées magiquement. Alors qu'en fait, on voit bien que finalement, y compris justement, justement, 30 ans après, les ressentiments ressortent dès, justement, dès qu'il y a un petit conflit qui oppose les mondes, quoi, en fait. On voit que c'est pas guéri. Enfin, il y a des cicatrices à bif, quoi, sur ces questions-là. Parce que je pense que ce qui se rejoue, c'est surtout quand on revient sur la question des enfants. Puisque, en fait, ce qui reste primordial, ou plutôt maintenant des petits-enfants pour ces générations-là, parce que là, ce qui revient essentiellement, c'est les gens parlent tous de la Bretagne actuelle en disant c'est pas forcément mieux pour les plus jeunes, hein. Pas de boulot non plus, hein. Ils sont obligés de partir comme nous. Ça recommence, oui. Et donc, en fait, du coup, c'est là que ça se rejoue, justement. Bah, qu'est-ce qui peut rester quelles ressources sont mobilisables pour rester en Bretagne? Et comment ceux qui sont nés ailleurs peuvent revenir? Avec des petits-enfants qui sont nés ailleurs et qui aimeraient revenir. Quoi. Comment ils peuvent revenir? Donc, c'est dans l'autre sens. Quoi. Au nom de quoi ils ne pourraient pas venir en Bretagne? Avec les autres, ils disent au nom de quoi on ne pourrait pas rester. Donc, en fait, ouais, ça se rejoue. Et je pense que c'est justement parce que ça se rejoue que c'est important que ben, nous, en sciences sociales, on pense assez précisément les places de chacun. Quoi. Parce que je pense qu'en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on voit des gens qui se débattent un peu avec des catégories trop massives, finalement. Enfin bon, mais ça rejoint un peu... c'est pour ça que je dis pour moi, c'est un peu tout le temps les mêmes questions que je me posais déjà pour les quartiers populaires. En disant, à l'époque, il y a déjà des élites sur place qui ne trouvent pas leur place, justement, qui sont en train de se constituer. Enfin, justement, s'il y a 40% de jeunes au chômage, ça veut dire qu'il n'y a pas 100% de jeunes au chômage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit des 60% qui travaillent? Enfin, vous voyez, c'est toujours, en fait, les mêmes questions qu'on rabat, quoi. Donc, voilà, je pense que, en tous les cas, bah, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je pense que c'est... des recherches qui valent d'être poursuivies pour qu'on arrive un peu collectivement, enfin, moi j'aimerais bien que ça soit un peu collectif en tout cas, à en savoir un peu plus. Quoi. Et je continue à penser, mais ça paraît logique, je pense qu'on est plusieurs ici à penser que ce qu'avait ouvert un peu nos prédécesseurs et nos prédécesseuses avec Anne Guillou, que les différences hommes-femmes sont particulièrement intéressantes à examiner sur les questions de migration. Vraiment. Une suggestion sur, vous parliez d'un film de France 3, il y en a un autre aussi qui est très bien, il n'y a que 3 intervenants dedans, mais ils sont vraiment émouvants et les interventions sont assez longues. C'est un 26 minutes en langue bretonne, mais je crois qu'il est sous-titré. Je vais vous le demander à France 3 ici. Sur les Bretons de Saint-Denis, ça s'appelle Nodoa et Ostébé. Ils n'avaient aucune récolte. Mmh. Et les 3 témoignages sont. Et le film lui-même d'ailleurs est. Mais il y a aussi les films de Thierry Compin, il a fait des films en français et en breton qui sont très intéressants. Les Bécassines. Voilà, nous n'étions pas des Bécassines. Ah. Et là, c'est qui, là, le voyage? C'est Sozy Danielou. Ah bon? Oui. Oui, là, ce sont des étudiants de restant hein, qui sont passés par un circuit des écoles noires qui m'en ont parlé, effectivement. Ouais, c'est très bien. Ouais. Qui doivent pouvoir arriver à piquer sur Internet. Hein. Ouais, moi, j'ai une version, mais je crois qu'elle n'est pas sous-titrée, justement, pour mes étudiants de breton, elle n'est pas sous-titrée. Avec des parallèles faits avec les immigrants qui sont venus après, portugais, algériens. Mais j'ai vu qu'il y a à Saint-Brieuc, il y a quelque chose qui est sorti sur les bistrots histoire de Saint-Brieuc, où ils ont fait visiblement des recueils de témoignages. Et moi, je suis tombée complètement par hasard, parce que ça, c'est pareil, ça m'intrigue beaucoup, le fait qu'on soit aussi, nous, en sciences sociales, silencieux. Je ne sais pas si vous avez repéré, et je vous dis, moi, je l'ai vu dans le Télégramme de Brest, hein, comme support scientifique, c'est pas un bon. Hein, et ben, c'est là que j'ai vu qu'en fait, il y a eu une lecture publique dernièrement à Landerneau, des témoignages des migrants dans le sud-ouest. Vous avez entendu parler de ça? Et ce qui est intéressant de mon point de vue, donc sur ces gens, moi c'est en lisant ça que j'ai appris, c'est des départs en train. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire, je viens de la découvrir. Donc là, on a un peu l'impression d'être au Far West. Ils partent avec leurs vaisseliers et leurs vaches. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de savoir que la collecte a été organisée, pareil, en fait, là, en terre d'arrivée. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les communes d'accueil. Dans Lot et en Dordogne, qui ont organisé la collecte de témoignages. Il y a des gens qui ont collecté des Ouais, oui, mais oui. Même des Bretons d'ici qui sont avec les Quelques. Oui, oui, c'est ça, c'est la même initiative, quoi. Donc, je pense que c'est la même chose à Saint-Brieuc, visiblement. C'est-à-dire que c'est une opération qui a été faite, en fait, avec un collège. Donc, et tout le temps dans les liens avec l'immigration extérieure. Et je pense que avec un consultant sociologue et un consultant, enfin, nommé comme ça, en tous les cas, hein, consultant sociologue et consultant historien. Donc, je pense que ça correspond à une demande sociale, en fait, de repérage sur ces questions. Alors, sur la langue, il y a quand même quelque chose que je pense qui est intéressant de noter. C'est, il y a un problème avec le breton. Enfin, je pense que c'est une question voilà, qui pose problème. Et il y a un autre problème que je trouve vraiment intéressant, c'est la question du tutoiement. Bon, qui a été traité, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez que Le Guiriec parle de ça dans son enquête à Scrignac, où il se fait rembarrer et traiter de bourgeois, notamment par les retraités migrants parisiens revenus au pays sans leur culture égalitariste, enfin bon, où ils exigent le tutoiement qui gomme les stratifications sociales. Et là, moi, j'ai vu ce problème-là, avec des gens qui se retrouvent extrêmement en difficulté parce qu'ils sont dans l'incapacité réelle de tutoyer. Et moi, j'avais déjà pensé à cette question parce que j'ai eu un étudiant qui venait de Djibouti et qui a eu un vrai problème et qui a failli d'ailleurs perdre son emploi en auberge de jeunesse parce qu'il était dans l'incapacité physique de tutoyer les usagers de l'auberge de jeunesse alors que ça faisait partie des règles de base d'accueil. Et lui il disait, mais moi j'y arrive pas. Moi on m'a appris de moi, les gens qui sont plus vieux que moi, voilà, je ne sais pas le faire. Et là, on voit ce phénomène se repasser, la difficulté étant celle des femmes. Et ça, je pense que c'est vraiment à mettre en rapport, en fait, avec la nouvelle définition, notamment des classes populaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les femmes qui ont travaillé en étant dans des métiers de service ou des emplois commerciaux. C'est-à-dire quand on est dans la relation avec autrui, avec lequel on n'est pas dans l'égalité, les normes sociales, c'est bien que vous voyez. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est cette fameuse accordéoniste, c'était vraiment un personnage, qui dit non, mais de toute façon, en plus, alors qui m'a raconté visiblement un conflit assez sévère avec un jeune enseignant de douane sur l'usage d'une salle municipale, et qui me dit, de toute façon, c'est pas le vrai breton qu'ils apprennent, parce que moi, je peux vous dire que, vous, évidemment, vous parlez pas breton, hein, mais moi, je peux vous dire que mon grand-père, qui a respecté énormément, il n'aimait pas du tout son père, mais il aimait beaucoup son grand-père, il était illettré, c'est grâce à lui que je suis devenue ce que je suis devenue, c'est-à-dire secrétaire commercial, parce que il m'a obligé à aller à l'école, et il faisait comme les parents des immigrés de maintenant, il faisait comme s'ils savaient lire, j'ai cru qu'ils savaient lire jusqu'à mon certificat d'études, parce qu'ils surveillaient tout alors qu'ils savaient pas lire. Et en fait, mais lui, je peux vous dire qu'en breton, je le vous voyais. Et le vous vraiment. Et alors, donc, c'est tout le débat. Je sais bien que c'est tout le débat. Mais je trouve intéressant. Ça, c'est, ouais, mais ça peut être uniquement dialectal, le vous vraiment. Ouais, c'est complexe. Quoi. Oui, oui, je sais très bien. Moi, je le sais. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous voyez bien que ça devient, de son point de vue, un argument d'autorité en disant la vraie bretonne, c'est moi. Ouais, voilà. Parce que je vous vois. Voilà, parce que je vous vois. Et je pense que c'est pour ça que, dans ce sens-là, je trouve que cette question est intéressante. C'est-à-dire, en fait, être disqualifié parce qu'on n'arrive pas à tutoyer, alors que, en fait, c'est pas le même usage, c'est pas les mêmes normes. Bon, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Alors, l'autre chose que moi, j'ai trouvé assez drôle, et vraiment aussi une question intéressante, c'est sur l'assignation à identité, c'est comment les gens, ce sont seulement les plus anciens, ceux nés en Seine-Saint-Denis, qui reprennent exactement les catégories de pensée contemporaines sur la Seine-Saint-Denis. Donc c'est eux qui vous disent, avec leurs plus de 80 ans, bah ouais, le 9-3. Moi j'ai trouvé ça assez drôle. Et alors que les plus jeunes sont beaucoup plus sobres, plus dans la respectabilité, donc ils vous disent qu'ils étaient dans 92 à 95, enfin voilà. Ils jouent pas de ça, alors qu'en fait, eux disent, mais finalement, et cette dame là, me dit, mais... ouais, je peux, si vous voulez, je peux parler breton avec l'accent de Paris. Hein. Ce qu'elle fait visiblement très bien. Et donc, en fait, ce que j'ai trouvé curieux, c'est surtout ce qui est très très drôle, c'est la façon dont il raconte, et dont elle raconte notamment ses conflits justement sur l'usage du breton, en imitant très très bien ses voisins, c'est-à-dire en disant « je sais aussi très très bien, moi, prendre l'accent breton ». Cet accent qui nous a posé tant de problèmes, c'est-à-dire comme marqueur identitaire, quand on était en région parisienne, et que, alors que dans tout au long de l'entretien, et heureusement pour moi qui n'aime pas parler en breton tout l'entretien, car je fais partie des gens qui étaient dans une famille où ça a été une discussion perpétuelle. Je dis c'est bien à cause de ça d'ailleurs, et c'est pour ça que je vous dis en fait que toutes ces micro-différences et petites hiérarchies, elles sont complètement au cœur de ma propre histoire, avec un père bretonnant participant à tous les cercles et une mère refusant absolument. Donc c'était des engueulades perpétuelles chez moi. Et la question du retour, je veux revenir, non, on n'ira jamais, parce que la Bretagne vraiment est... Donc d'expérience, j'ai connu la différence entre propriétaire, fermier, la place dans la fratrie, la fille unique servant ses frères et disant bah, ça va, les frangins, moi je les vois, mieux je me porte, enfin bon, bref, etc. etc. Et donc en fait, j'ai trouvé que cette histoire d'accent a été particulièrement intéressante, c'est-à-dire comment en fait on retourne le stigmate quand ça arrange. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens du coup qui ont plusieurs formes d'identité sur lesquelles ils peuvent jouer, quoi. Et parfois ça les arrange et parfois ça les dessert, quoi. Mais en tous les cas, je pense que c'est vrai que ça reste en tous les cas visiblement aussi quelque chose à voir avec le fonctionnement de toute façon des communes rurales. C'est dans ce sens-là en fait que je pense qu'il faut aussi prendre les choses, c'est-à-dire en disant bon, il y a cela. Mais ce que disent, en fait, là où les gens voient très bien l'évolution, c'est aussi une société de plus en plus individualiste. Donc, de toute façon, dans les échanges, ils sont aussi parfaitement capables de voir la différence dans les relations de voisinage entre l'époque où on parlait ensemble parce qu'on marchait à pied, et ces temps où les lotissements sont agrandis, où les voisins ne se connaissent pas parce que chacun descend de sa voiture, etc. Les gens sont parfaitement capables de voir, quoi. Bien sûr. Je voulais vous poser une question sur la langue, là, parce que, en fait, dans ce que j'ai cru comprendre, il y a deux tendances un peu. Il y a la majorité donc, qui rejette la langue. Bon, je reconnais bien les témoignages des choses que j'ai pu entendre. D'autres qui pourraient être un peu militants, qui auraient pu l'être. Mais moi, j'ai rencontré, notamment dans le centre-Bretagne, on parlait tout à l'heure de Scrignac, Poulaouen, etc., d'autres migrants qui sont partis à Paris, qui donc étaient de sensibilité communiste, etc., sont allés en Seine-Saint-Denis, et ne parlaient que breton. Ils n'ont pas du tout abandonné le breton. Ils ne parlaient que breton entre eux, et ce n'était pas du tout une démarche militante. Ils parlaient breton, et ils ne parlaient que breton. Et il n'y avait pas, une dimension militante, mais il y avait une dimension sociale. C'est-à-dire que pour eux, le breton était la langue des humbles, des petits, et celui qui passait aux Français... c'était vraiment celui qui voulait faire le bourgeois. Quoi. Ouais. Et donc, il y a aussi cette tendance-là qui existe, et chez des gens, des générations que vous évoquez. Mais que je n'ai peut-être pas encore rencontré. Peut-être pas encore, parce que, non, mais en fait, je disais tout à l'heure que le collègue Jean-Pierre Cardella, justement, est en train de tenter des entrées dans ce secteur-là, parce que, justement, ce que je vous disais, c'est que c'est vrai qu'il y a une volonté, ou alors, moi, ce que j'ai rencontré, c'est pour ça que je vous disais, par... notamment des gens très impliqués syndicalement, politiquement, c'est le désir d'apprendre maintenant. Ah oui, ça c'est encore chose. D'apprendre maintenant, ça je l'ai vu. Donc aussi comme manière d'intégrer aussi un groupe, un réseau. Et c'est lui qui affiche justement son prénom, qui n'est pas du tout le prénom qui est en usage dans sa famille et qui s'appelle Franche. Mais les autres, en fait, ce qu'ils disent, là aussi, on voit vraiment la différence homme-femme. Parce que même ceux qui récusent, en fait, ce qu'ils récusent, c'est effectivement... c'est le breton devenu langue quasi officielle. C'est ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Quand ils dénoncent ce qu'ils appellent la signalétique, en fait, je pense que ce qu'ils dénoncent, c'est le passage de la langue parlée à la langue écrite. C'est l'écrit. Parce que l'écrit leur échappe. Ah oui, ça les exclut, bien sûr. Et voilà, l'écrit, c'est exactement ça. Et en même temps, c'est vrai que c'est compliqué parce que ce qu'ils disent maintenant, et ça peut. Tout... Alors, c'est, du coup, ça ne va pas du tout à l'encontre. En fait, ce qu'ils expliquent aussi tous assez bien, c'est de toute façon, on revenait très souvent. Mais finalement, quand on revenait, on était bien liés aux contraintes sociales des uns des autres. Donc on revenait sur nos temps de vacances, comme la priorité donnée à la famille. En fait, on ne trouve pas forcément ceux de sa génération au moment où on revient. Ils ne sont pas forcément là exactement en même temps. on est dans une société de plus en plus individualiste, les voitures et tout ça, donc on ne se croise pas forcément. Donc ils disent, on se voyait, notre génération, quand il y avait, quand on tombait au moment des fêtes, s'il y avait un fest-noz, bon, alors dans des temps informels. Et là, en fait, les hommes échangeaient en breton, dans la langue parlée. Bon. Mais ils disent, il y en a, on les a perdus de vue, ils sont malades, ils sont en maison de retraite, etc., etc. C'est plutôt comme ça que ça se perd. Les femmes disent, nous, non. On ne parlait pas déjà. À l'école, on ne parlait pas. Et là, elle témoigne en disant, on ne parlait pas, on n'avait même pas besoin de nous punir, on ne parlait pas. On savait que, bon. Et du coup, en fait, là, on voit vraiment la différence. Mais je pense que, du coup, ce qu'on voit aussi, c'est, du coup, en fait, les gens cherchent à retrouver, à reprendre contact avec ceux de leur génération, en français ou en breton. Et en fait, ils ne savent pas comment faire. Parce qu'ils disent, en fait, l'expression que j'ai beaucoup entendue, c'est faire sa vie. On a fait notre vie ailleurs, nos enfants font leur vie ailleurs, et puis bah, nos copains d'école, ils ont fait leur vie ici. Et d'une certaine manière, bah, ils n'ont pas besoin de nous. Donc ils ne sont pas forcément des agréables, simplement ils n'ouvrent pas leurs portes parce que c'est comme ça maintenant. Donc en fait, ce que les gens cherchent, c'est les lieux de rencontre informels, ce que d'autres sociologues ont appelé la sociabilité sans effort. Et comme cette enquête, pour l'instant, s'est surtout concentrée autour de Morlaix, on voit par exemple qu'il bah, y a les fêtes, puis il y a aussi... Bah, les dates qui tombent régulièrement, hebdomadaires, donc de l'importance du marché. Mmh. On va au marché de Morlaix le samedi matin, parce que ce qui est super pratique avec le marché, c'est qu'on repère les gens de loin, on dit non, celle-là, de toute façon, je ne m'entendais pas avec elle, je change de trottoir, mais l'autre, qu'est-ce que je suis contente de la revoir. Et moi, je vais assez souvent au marché de Morlaix, et c'est vrai qu'on entend des échanges. Tu te souviens, et les conflits d'école privée-publique, comment on a pu, etc., etc. Et là, les hommes parlent, échangent. Alors, mais en même temps, ce qu'ils disent aussi tous, c'est que parfois, c'est très limité, parce qu'ils ont perdu. Donc, c'est des échanges courts, bref, où il faut déjà être d'accord. En fait, ce qu'ils disent, c'est, y compris, bah, par exemple, la lecture de la presse. Ils disent, bah, j'arrive à lire, enfin, quand on parlait du passage de l'école, j'arrive à lire si je sais de quoi ça parle, quoi, en fait. Comme nos étudiants avec l'anglais. Mais ce serait intéressant au niveau des cours de breton. Enfin, moi, je donne des cours de breton depuis une douzaine d'années et j'ai très souvent enfin, 3-4 personnes chaque année qui ont ce profil-là. C'est des gens qui ont vécu à Paris et qui, parce qu'ils reviennent, pour se créer un réseau social, parce que leur grand-mère parlait le breton. Parce que... Donc il y a plein de raisons affectives et tout. Et certains ont des trajectoires intéressantes, quoi. D'autres, ça sera juste un an. Mais qu'est-ce qui les fait venir ici? Est-ce qu'ils sont nombreux à le faire? Parce qu'il y a aussi une façon de se réapproprier leur histoire, de raccrocher les chaînons manquants. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent autour de ça. Et sinon, il y avait quelque chose qui m'intéressait sur la différence entre les 60 ans et les 80 ans. Je fréquente pas mal de personnes âgées. Et ceux de 60 ans, ils sont jeunes. Donc, ils ont encore une image sociale à défendre, une carrière politique qui peut démarrer encore. Il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Donc, tout ce qui est question d'ordre un peu politique, justement, l'histoire de 9-3, d'être un peu, de rire un peu avec ça, avec l'agriculture actuelle, avec les problèmes économiques, les enjeux, ils n'osent pas trop. Par contre, les femmes qui ont 85 ans, elles peuvent aller dans toutes les directions. Elles n'ont plus d'image sociale à défendre, elles s'en fichent. Quoi. Ouais. J'en connais 2-3. Ouais. Elles sortent des trucs sur la société actuelle qui sont super intéressants. Quoi. Ouais. Leur critique de l'agriculture, leur critique. Personne de 60 ans, rares sont ceux qui osent aller dans ce sens-là. Quoi. Je pense que c'est intéressant aussi le public à 85, parce qu'ils sont relativement en forme. Oui. Et ils ont plein de choses à dire. Mais je pense que c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que ce genre d'enquête, c'est ce que je vous ai dit dès le départ. En fait, je pense que ce qui est central, c'est comment on est introduit. C'est-à-dire le niveau de confiance qu'on peut avoir. C'est-à-dire, est-ce que soi-même, on est vu justement comme un concurrence, ou surtout, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que là, quand même, grâce à mes collègues intermédiaires et aussi à une partie de ma famille, mais complètement par accro, c'est-à-dire y compris me retrouvant avec des gens que je situais plus ou moins dans le paysage, mais dont j'ignorais totalement qu'ils étaient, parce que c'est jamais parlé, justement, les gens ont eu suffisamment confiance pour, par exemple, personne ne m'a demandé la fameuse question de l'anonymat, voilà, parce que de toute façon... Bah, notre parole, elle vaut... on est personne, donc notre parole, elle vaut pas grand-chose. Donc même si vous dites que c'est moi, tout le monde s'en fout, sauf justement la légendaire chef de file de la Seine-Saint-Denis, là, qui bon, est redoutable personnalité, mais qui a aussi un peu d'existence publique, parce qu'elle justifie sa position ici par son côté artiste. Et par ailleurs, elle n'a pas exactement la même position que les autres, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est la seule qui est revenue pour travailler. C'est-à-dire qu'elle est maintenant retraitée, mais elle a connu toute la période d'extension de l'Agnon, puisque son mari était télécom. Et du coup, du coup, en fait, et puis elle a été, pour finir sa carrière, animatrice en maison de retraite. Donc elle connaît tout le monde. Et c'est un personnage public. Donc, bon, mais elle était complètement prête à assumer tout ce qu'on disait. C'est vrai que c'était la plus caustique. Mais elle voulait bien porter cette identité-là. Donc, vous parlez de stigmatisation au niveau de l'accent. Est-ce que vous avez aussi senti, dans le sens inverse, ils reviennent avec l'accent roux, ils reviennent, peut-être qu'ils n'ont jamais eu l'accent breton, parce qu'ils sont de deuxième génération. Est-ce qu'il y a une stigmatisation en sens inverse quand ils arrivent dans un endroit à accent breton très fort? C'est vrai que ce n'est pas le cas partout, mais est-ce que vous avez senti ça aussi? Oui, c'est ce que je vous dis. En fait, ceux qui sont justement, qui ont des talents d'imitation incroyables, c'est-à-dire qu'en fait, bon, l'histoire, si vous voulez, l'histoire est plus drôle du merveilleux, parce que, en fait, et c'est vrai qu'ils ont un sens de l'humour incroyable. Ce monsieur-là, 88 ans, alors l'autre truc sur les marqueurs identitaires, ça, ils m'en ont tous parlé. C'est-à-dire, en fait, si on n'est pas une famille connue par tout le monde, et les gens ne peuvent pas vous situer, c'est comment, en fait, le conjoint qui n'est pas de la commune est connu par les autres. Alors, du coup, ce monsieur, il me dit, moi, quand je suis arrivée là, j'en avais, mais vous savez, mais vraiment ras-le-bol d'être le mari d'Henriette Machin. À l'inverse, j'ai vu, évidemment, alors, mais ça marche pour tout le monde, c'est-à-dire, bon, mon rebelle contre le monde agricole, moi, j'en avais ras-le-bol, j'étais pas moi, donc un François, j'étais le frère de Robert. Ça fait 30 ans que je suis là, ça fait 30 ans que je suis le frère de Robert, donc ça va, j'en ai ras-le-bol d'être le frère de Robert. Et donc, en fait, là, sur ces questions-là, le monsieur me raconte ça, il me dit, et vous savez comment ça s'est terminé? Donc la chute de l'histoire, c'est que je finis par lui dire, parce que moi, en même temps, sincèrement, parfois je m'amuse vraiment à faire cette recherche. Bon, elle n'est pas financée, mais je trouve d'autres compensations. Et donc, en fait, là, le scoop, je leur ai dit, mais ça a été la chance de votre vie, des catholiques, je leur ai dit, la chance de votre vie, c'est que la chapelle soit écroulée. Parce qu'en fait, ils cherchaient, ils sont arrivés effectivement jeunes, avec l'envie de faire des choses, puis ils cherchaient comment avoir pris dans cette commune, où ils disent, à l'âge où on est arrivé, bon, les parents étaient déjà décédés, enfin bref, tout le monde éparpillé, donc les copines d'école, ben, bon, elles fermaient plus, j'avais porte close, elle m'a dit, c'était joli, et bon, pas méchant, mais porte close, bon, et alors du coup, ils s'investissent dans la réfection de la chapelle, c'est pour ça que je leur ai dit, c'était vraiment une chance qu'elles soient écroulées à ce moment-là, donc lui, il était électricien, il avait besoin de compétences, alors il me dit, et ils m'ont raconté tout ça en me disant, alors pendant un an, tous les jours, il est allé à la chapelle en faire électricité. Chapelle qui appartient à un agriculteur, propriétaire. Il me dit, tous les jours, elle venait voir, si j'étais là. Puis alors, c'était un truc en stéréo, parce que sa femme renchérissait, elle disait, vous savez comment sont les hommes d'ici. Donc, l'agriculteur ouvrait la porte, il le regardait, il lui disait pas bonjour. Alors lui, il me dit, je me suis dit, bah, moi je suis tolérant, je suis catholique, je suis tolérant. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils ne me disent pas bonjour. Bon, au début je lui disais bonjour, puis après je me suis lassée. Hein. Alors il ouvre la porte, il ne disait rien. Et il dit, bon alors il m'explique, après bon les travaux étaient finis. Alors lui il dit, le curé, sa famille, tu sais bien qu'ici on dit le recteur. Je dis, ils sont arrivés en 75, donc ça doit faire longtemps que l'échange dure entre eux. Donc le recteur dit qu'il va venir faire une bénédiction dans la chapelle, etc., etc. Bon alors ils font la bénédiction, puis il me dit, je me retrouve après la bénédiction qui avait duré qu'une demi-heure, entre le recteur et, il me dit, le paysan, pas l'agriculteur, puis qui me disent, bon, bah maintenant, tu viens avec nous. Je dis, je le regarde, c'était la première fois qu'il m'adressait la parole en le tutoyant. Tu viens avec nous. Et alors, il me raconte que, en fait, ils sont allés à la ferme et que, du coup, le paysan a dit au recteur, bon, bah comme d'habitude, un verre d'eau chaude. Alors il me dit, moi franchement, je me demandais où j'étais et qu'est-ce que j'allais boire, de l'eau chaude et tout. Alors sa femme se marrait en disant, tu t'es pas douté, lui raconte pas que tu t'es pas douté que tu n'aurais pas du calva dans l'eau chaude. Donc tout le monde boit l'eau chaude et le calva. Et puis en fait, il dit, tu sais, celui-là, il sait travailler. Et alors là, du coup, il dit, j'étais quelqu'un, j'avais mon nom, j'avais montré pendant un an que je savais travailler. Et alors ce qui était drôle sur l'histoire de l'accent, c'est que sa femme lui dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il te l'a dit, elle reprend la même phrase, mettant l'accent breton, elle dit, quand même, ça sonne nettement plus quand c'est dit comme ça. Et en fait, sur l'accent, il y en a plein qui m'ont raconté ce genre de scénette, en fait, en disant, et en fait, alors du coup, la fameuse figure historique, là, elle me raconte ça, le clash sur le repas ou avec le repas du troisième âge, Et en fait, elle le fait sciemment. C'est-à-dire qu'en fait, elle interpelle, en fait, on dit les locuteurs bretonnants avec l'accent breton pour leur dire en français. Alors, elle m'a dit, en fait, elle a fait un mix qui est quand même vachement intéressant. C'est-à-dire qu'elle a interpellé les bretonnants en partie au début, en fait, de son interpellation en breton et après, en fait, en français pour tous les non-bretonnants, pour protester sur le fait qu'il parlait tout le temps breton, mais elle a pris délibérément l'accent breton pour parler en français. Ce qui montre quand même une certaine agilité, je trouve. Bon, bah, très bien, mais je crois qu'il doit être 13h à peu près. Hein. Merci beaucoup. Non, c'est moi, parce que je trouve ça plutôt agréable et sympathique de parler avec des gens qui s'intéressent aux mêmes questions. Parce que franchement, ma vraie surprise, et nous on a quand même, c'est de découvrir en fait à quel point les jeunes qu'on a à l'université, ils ont des énormes trous dans leur connaissance des réalités sociales de quartier. Et notre surprise, c'est le peu de travaux qu'il y a eu sur ces questions-là. Mais oui, quand on voit l'importance des migrations bretonnes, le peu de choses qu'il y a eu, on arriverait facilement à les dénombrer, quoi. Il y a peu de choses. Donc, Alors,